Tu veux savoir qui je suis? 2010, c'est l'hostie. Oui, je l'avoue, des fois je triche, parfois je mens, souvent je m'en fiche. Donc je me prends trop pour un dur, trop pour un grand. Et pour un gars qui n'a pas de cœur, je suis conscient. Mais je suis comme vous, souvent j'ai peur, souvent je tremble. Alors comme vous, je fais semblant, je vous ressemble. Et bien souvent, je me demande, qu'est-ce qui me retient sur cette terre? J'essaie de garder le sourire, être heureux, en avoir l'air. Mais je le sais, y'a que le rap qui puisse me faire vibrer. Et puis bien sûr, ma famille qui me permet d'avancer. J'ai essayé d'être peace, d'être love, d'être un exemple. Mais moi je suis trop pas assez, constamment le flingue sur la tempe. Je vous mens pas, souvent je pars dans mes tripes et dans mes trucs. Je pars en couille mais je kiffe car c'est là que je me sens brut. N'essayez pas de me comprendre car moi-même j'ai lâché l'affaire. Souvent j'écris quelques phrases et je me perds sur quelques airs. J'adore ma vie, je vous le jure, mais parfois je perds le nord. Alors je me détruis mais je suis sûr qu'un jour je trouverai mon bonheur. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit. Moi je suis ce que je suis, un de ces jeunes trop bornés. Je vis ma vie comme j'ai envie, quitte à parfois me faire cogner. Je kiffe ma jeunesse et les conneries qui vont avec. Et parfois dans l'ivresse, j'ai l'impression de faire un break. Je ne suis pas cool moi non, ne vous fiez pas aux apparences. Quand je suis sous moi ouais, vous pourrez voir mes vraies carences. Je revendique mon côté franc et mon côté rien à branler. Je suis pas un dick alors comprends mec que je n'aime pas trop parler. Y'a que dans mes textes que je me lâche, que je décris, que je me fâche ou que je crie. Et que je crache toute ma haine sur papier. Que dans mes textes que je m'arrache ou que je prie, que j'ai la rage ou que je vrille. Et que je crie ce que j'appelle ma vérité. Mais je suis comme vous moi, des ambitions plein les pockets. Et si tu te fous de moi, il va falloir que tu t'inquiètes. Comprenez que dans ce texte je suis sincère et je me livre. Que je ne passe pas par quatre chemins même quand je pars à la dérive. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit. Moi j'ai pas choisi de naître avec le rap dans le sang. Et encore moins d'avoir la tête qui ne colle pas à mon talent. Je suis atypique, moi je le sais, mais j'en ai fait ma force de frappe. Égocentrique à ce qui paraît, mais ceux qui disent ça je m'en tape. J'ai pris le mic à l'âge où certains de vous saviez pas lire. Vous qui dites que je n'ai pas ma place et mon image voudrait salir. Je l'ai pas lâché depuis 10 ans et j'ai toujours cru en mes rimes. Et puis tant pis si dans 10 ans je suis pas connu comme Jacques Mérine. Ce que je veux, ce que je vise, ce que j'espère, y'a que moi qui sais. Ce que je vends, ce que je mise, ce que je perds, y'a que moi qui sais. Oui je l'avoue, dans cette course à la victoire je suis tombé. J'ai cru qu'en sautant les étapes je pouvais plus vite y accéder. Alors aujourd'hui j'ai laissé mes plus beaux rêves sur le trottoir. Mais j'ai toujours su garder ma plume comme exutoire. Je suis passionné mais je suis lucide, je garde la tête sur les épaules. Prêt à donner ce que j'ai dans le bide, pas prêt à échanger mon rôle. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit. Oui je suis ce que je suis, je suis, je suis. Oui je vis comme j'ai envie, je suis. N'essayez pas de me comprendre, de me descendre, je vous le dis. Et n'allez pas vous méprendre, je resterai comme je l'ai écrit.